Robinet de venir me donner de l'eau à boire, s'il te plaît. Yannick Sawé. Mais ça m'a fait pas. Le programme des aérosols, il prend pour du gros. Nuage noir. Jamais, remets le président. Alpha, si tu es Fabrice, t'es non.